Volpa et Bella, bonsoir. Vous formez toutes les deux le groupe Psukai. Volpa, quel est ton rôle au sein de votre duo ? Je chante dans le groupe. Je suis plasticienne à la base. J'ai fait pas mal d'installations, de vidéos, de performances, de peintures. J'ai commencé en fait à travailler la voix il y a une dizaine d'années dans un projet en fait où on était trois plasticiens, donc c'était de l'expérimental. Moi en fait je suis pas du tout chanteuse, donc j'ai travaillé le son comme la matière sonore en fait. Et puis voilà, donc j'ai rencontré Bella, qui elle est musicienne, et on a fait des expériences toutes les deux. Et puis un jour je me suis lâchée vraiment à la voix, et puis voilà, je suis rentrée dans la mélodie avec elle qui m'a franchement aidée, et puis c'est parti comme ça. Et toi Bella ? Donc moi je suis musicienne depuis, je suis tombée dedans toute petite, et il y a à peu près un an et demi, on a commencé à faire des expériences. Moi j'étais à la guitare, je faisais de l'impro, et Marie à un moment donné a pris un micro. Et je lui ai dit, mais tu lâches plus le micro, parce qu'elle a une voix naturelle en fait, et c'était tellement puissant qu'on a, là-dessus en fait, on a fait beaucoup d'impro pendant 3-4 mois sur des boucles que je construisais, et la guitare et la voix de Marie. Et à partir de ça, Psukai en fait c'est parti de l'expérimental ou de l'impro plutôt, d'improvisation. Et on a commencé à structurer les impros qu'on avait faites. Et donc les morceaux que vous entendez, en fait, ils sont jamais tout à fait pareils sur scène d'une fois à l'autre, quoi. C'est constamment, on est dans une espèce de transe commune. Et les morceaux, ils se construisent à partir d'énergie qui nous arrive au moment où on les fait, quoi. Donc c'est du, on va dire, c'est du post-punk improvisé ou semi-improvisé, en tout cas. Après, au niveau des influences musicales, bon, ben, vous avez dû un peu capter. On adore Siouxsie, on adore Joy Division, Bauhaus, Christian Death, des gens comme ça, Diamanda Galas. Et après, en fait, ce qui s'est fait, c'est ce travail qu'on voit sur scène de scénographie. Je sais pas comment me dire ça, c'est pas vraiment de la scénographie, c'est plus une transe, vraiment. C'est-à-dire qu'on part dans cet univers qui est très inspiré du chamanisme indien d'Amérique du Nord, avec des boucles qui peuvent être soit tribales, il y a des boucles qui sont avec des percussions orientales, il y a des boucles qui sont carrément inspirées des tambours sioux. Et à partir de ça, là-dessus, il y a la guitare qui est très saturée et la voix de Marie qui surfe sur cette vague de son, on va dire, quoi. C'est vraiment un travail sur la matière son, avant tout. Donc ça peut être un son qui est un peu particulier, mais ça correspond aussi à l'énergie qu'on voit sur scène et tout ça, quoi. Voilà. Psukai, quelle est l'origine de ce nom que vous avez choisi ? Alors Psukai, en fait, c'est grec. C'est tiré de du théâtre grec antique, de la tragédie, donc de Nietzsche et tout ça. Et Psukai, en fait, ça veut dire psyché. Donc c'est la psyché et l'âme. Moi, j'aime bien parler de l'histoire de l'âme et du voyage de l'âme, en fait, qui se laisse traverser par les énergies. Tout ça, il y a un côté un peu rituel, sorcière, antique, le retour aux origines, aux racines. Voilà. À l'écoute de vos morceaux, avec l'utilisation de boucles ou de sons de guitare saturée, de rythme entêtant, on ressent un côté tribal dans votre musique. Est-ce lié à vos influences ? C'est sûr qu'il y a, nous on est très ancré dans la terre, dans les racines effectivement, et il y a ce côté-là. Et les gens en fait s'y trompent pas, parce qu'à un moment donné ils partent complètement en transe avec nous, quoi. Ils partent sur cette vague-là. Le côté tribal en fait c'est le côté effectivement païen, c'est le côté de nos origines. Bon, on est toutes les deux d'origine méditerranéenne, italienne du sud. Et il y a beaucoup cette influence-là. Il y a une influence solaire, une influence. C'est pour ça qu'on se réclame davantage de la Batcave, par exemple, que du Goth, parce que le Batcave, c'est justement, c'est des sauvages, il y a le côté indien, il y a le côté barbare, il y a le côté solaire aussi, quoi. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de gens comme Siouxsie, parce qu'elle est complètement là-dedans. D'ailleurs, elle s'appelle Siouxsie. J'aimerais que tu continues. Comme je te disais tout à l'heure, moi, je suis plasticienne de formation, quoi. Et performeuse, et Psukai, on est vachement ancré dans le visuel, dans les actes, moi j'appelle ça des actes magiques, dans la mesure où on va transformer l'espace, où on va travailler avec les énergies, où on est dans l'impro, dans la semi-improvisation. Et Psukai, c'est aussi une hybridation en fait de la musique et des arts plastiques, où il y a un jeu scénique, donc où ça se mélange, où on travaille là-dessus. Et là, par exemple, ce soir, on a Lan Chapan, qui est une performeuse marseillaise, et donc qui est là, qui va intervenir sur scène de temps à autre, selon l'énergie, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'écrit. Il n'y a rien d'écrit, elle est vraiment là, et puis elle sent le son. Et puis par exemple, moi je peux me poser au sol ou dans un jeu de scène, et puis elle va arriver, elle va intervenir un peu dérangée aussi, travailler sur les accidents, sur les entres, en fait, entre le son et le visuel. Voilà. Et je voudrais revenir sur ce que disait Volpa à l'instant. Il y a certainement le côté rituel qui est très important. Alors après, les rituels, comme tu disais tout à l'heure, ça peut être d'inspiration ou chamanique ou méditerranéen, païen. Mais c'est très rituel. C'est pas une mise en scène. C'est plus des actes qui vont nous poser dans une énergie particulière. Un travail sur le magique, et à partir de ça, effectivement, ça nous nourrit, ça nous ressource, et on va, en fait, quand on finit un concert, on est à la fois complètement vidé et en même temps on est plein d'énergie, parce que ça nous transcende quelque part, quoi. Il y a un truc où on dépasse l'humain habituel, on va dire, et on arrive dans une dimension magique, effectivement. Ça, c'est un grand plaisir de faire les concerts Psukai à cause de ça, quoi. Donc cet aspect tribal, chamanique, vient autant de vos références musicales que de l'importance que vous accordez à vos performances scéniques. Mais revendiquez-vous d'autres influences artistiques ? Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a les inspirations méditerranéennes, puisqu'on est toutes les deux d'origine italienne, du sud, bien ancrées, la tragédie. Mais il y a aussi les performances pures et dures des années 70, du côté des arts plastiques, où moi j'ai un peu mes mères spirituelles, qui sont Gina Pan et Marina Abramovic, donc qui sont des grandes performeuses des années 70 et qui continue maintenant, enfin Marina oui, mais pas Gina Pan puisqu'elle est morte, bref, et qui travaillait déjà sur la scarification, sur la chair, sur le païen, sur le sauvage, le rituel. Et c'est vraiment des mères spirituelles, c'est-à-dire qu'en fait on n'est pas forcément dans l'imagerie du rituel avec le piercing, avec les suspensions, avec tout ça, mais ça va plus loin, c'est une espèce de... On est dans le corps, vraiment dans le corps, dans la chair, pas dans l'imagerie. On essaie de casser l'image. Et même si on peut travailler aussi avec Coma, qui est perceuse et qui peut intervenir sur certains morceaux comme Ta chair, on essaie de casser ça. Où elle amène quelque chose avec le piercing, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément le piercing en tant que piercing, mais c'est l'acte de percer, et elle, ce qu'elle est, comme elle peut réagir en interaction avec Psukai. Tu citais à l'instant les artistes des années 70, mais c'est exactement à cette période à laquelle j'ai pensé quand j'ai découvert Psukai. Vous revendiquez des influences Bad Cave et post-punk, certes, mais pour autant, quand on vous écoute, ce n'est pas évident. Pour ma part, un de vos titres, Ta chair, me fait clairement penser au rock progressif allemand des années 70, ce qu'on a appelé le krautrock, avec des groupes comme Cannes notamment. Je ne suis sans doute pas le premier à vous faire cette comparaison. Alors Cannes, j'ai pas le premier à nous en parler, effectivement. J'avoue que j'ai jamais écouté. Je connais pas Cannes et je connais pas trop le krautrock. Moi, j'ai baigné dans les Cure, Joy, Siouxsie, comme je disais, Bauhaus, ce genre de son là. J'adore mon son de guitare, il est directement influencé par Bauhaus et Siouxsie, c'est clair. C'est le son que j'ai toujours aimé, en fait. Et après, au niveau des boucles, c'est ce côté tribal qui nous donne l'énergie. C'est là-dessus, comme je disais tout à l'heure, qu'on a commencé à improviser quand on faisait nos expériences. Moi, je faisais donc ces boucles qui tournaient sur le Mac à partir de sons que je récupérais, soit dans des musiques tribales, soit des musiques que je faisais moi-même. Et la guitare posée là-dessus, en fait, j'aime ce grain-là aussi. J'aime bien mélanger ce son tribal avec une musique qui est finalement très industrialisée. Le son de la guitare, c'est pas un son tribal, on va dire. Et après, la voix de Marie là-dessus, ces trois étages-là, en fait, tu as vraiment la terre, le spirituel, et au milieu, une espèce de truc qui mélange les deux. Il y a une espèce d'électricité, et en même temps, il y a un truc très éthéré aussi. Enfin, ça dépend des morceaux. Ta chair, c'est vrai que c'est pas du tout un morceau représentatif, dans le sens où c'est pas post-punk. Par contre, il y a le côté charnel à fond, il y a le côté provocant, il y a le côté sexy, et il y a un côté bad cave, parce qu'il y a cette voix qui est très androgyne à par moments. Enfin, il y a plein d'influences, en fait, je pourrais pas les citer toutes, parce qu'on a baigné dedans. Bon, Marie, elle a baigné dans Diamanda, c'était elle qui m'a fait découvrir Christian Death aussi, par exemple. La voix de Rose Williams, c'est pour moi, c'est la quintessence du bad cave, même s'il se revendique pas de ça. Le Bad Cave, en fait, nous on dit Bad Cave parce que c'est ce qui nous fait. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce côté solaire et barbare, guerrier, et côté glam aussi, en fait. Donc, si tu veux, on aurait trop d'influence pour les cités, mais en réalité, là où on va chercher nos sources, c'est vraiment dans ces trois étages que je disais à l'instant, quoi. Le rituel, le Bad Cave, Rose Williams, d'accord. Pourtant, tout cela est assez loin du cadre d'une de vos premières soirées dans laquelle vous avez joué. Je veux parler d'une soirée fétiche qui se tenait à Marseille l'an dernier. Il s'agit d'un milieu dans lequel on a plutôt l'habitude d'entendre de l'indus ou de l'électro. Aussi n'ai-je pas pu m'empêcher de penser qu'il y avait, peut-être, une part d'opportunisme dans le fait de jouer dans une soirée fétiche. Le fétiche, c'est du rituel, à très haut niveau. Et donc, en fait, au départ, quand Amy nous a invités, on lui a dit « Mais est-ce qu'on a vraiment notre place là-dedans? On n'est pas en corset, en latex, machin, etc. » Elle nous a dit « Mais moi, ce qui me plaît, c'est les os, les plumes, les pierres, les bougies avec lesquelles Volpa fait son hôtel au début du spectacle. C'est les peintures de guerre qu'on se met parfois quand on est sur scène. C'est le look, entre guillemets, qu'on a. C'est pas un look, c'est vraiment une armure de guerrière. » Parce qu'il y a un côté guerrier dans Psukai. Et au niveau du fétichisme, moi je sais que je me reconnais pas dans les latex et les moon boots, mais par contre je me reconnais dans tout le côté baroque aussi, dans le côté subtil, dans le côté imagerie, un peu comme ça, ambigu, etc. Il y a un travail sur le passage entre l'humain et l'animal aussi. Donc tout ça, ça fait partie aussi du fétichisme, entre guillemets, on va dire, au sens large, voilà. Donc c'était pas vraiment de l'opportunisme, c'était on s'est prêté au jeu et finalement on s'est rendu compte que le public qu'il y avait à cette soirée-là était très intrigué et très intéressé aussi. Vous avez fait deux concerts d'affilée ce mois de juin. Quels sont vos projets à venir ? Il y a le premier album déjà qu'on a enregistré au mois de février qui a été mixé il y a 15 jours et qui est en train de sortir. Ce soir on a un collector en fait. L'album va faire sa sortie officielle à la rentrée, on attend de trouver des subventions en fait pour pouvoir le faire correctement, etc. Mais on a déjà un collector ce soir qui a été customisé par les soins de Volpa, côté tribal toujours. Et cet album, donc on va le tourner, on va essayer de faire des festivals l'année prochaine, des trucs un peu plus... Cette année on a été un peu pris de court. On a fait beaucoup les scènes marseillaises, parisiennes, on a joué au club, à la Cantada, des choses comme ça. Mais l'album, je pense que ça va être une illustration, mais ça sera l'important en fait pour Psukai, c'est quand même la scène. Donc à voir s'il y aura peut-être une vidéo avec l'album final, parce que comme tu verras tout à l'heure, le côté scénique est quand même très très important. Allez, un petit mot pour la fin. Wakatanka. Ce qui veut dire ? Le grand esprit, que le grand esprit soit avec vous et soit avec nous. Volpa, Bella, merci beaucoup et à bientôt.